So glad we left the prairie city, and now we're living on the coast. We went and got ourselves a manager. We all think he's the most. Silver vet with gold wheels, we see him cruise around the town. Yo, he's never really up. No, he's never really down. Down, he's just mojo. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, c'était le Bachman Turner Overdrive avec cet album 2 paru en 1973 pour une belle leçon ici de classic rock. Restez bien dans votre rocking chair à siroter une petite bière en ce vendredi soir, de quoi se poser un peu de bonne musique avec le guitariste Joel Oextra. Joel Oextra's 13 sort ici, c'est déjà son quatrième album studio. Il s'agit du guitariste de Whitesnake sur la fin de carrière, donc un pilier de la bande à Coverdale, qui nous sort ici son quatrième album solo, sorti sur le label Frontiers Records, et on va passer tout de suite le morceau qui s'appelle Lifeline. Be Quatrième album solo du guitariste de ancien guitariste de Whitesnake, puisque le groupe maintenant a annoncé sa fin de carrière à Joel Orchestra avec Joel Orchestra's 13. C'était ce Lifeline tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On va continuer maintenant avec du power metal allemand avec le groupe Induction. Induction, ils ne font pas que des Plaque Hack Frire, mais également, on va dire, de la musique avec du power metal. Il s'agit du groupe de Tim Hansen, fils de Kai Hansen, qui nous sort là son nouvel album sur Raining Phoenix Music, et ça s'appellera Strangers to Love. Voilà pour le groupe Induction tout de suite avec ce Strangers to Love paru sur Raining Phoenix Music qui va le voir le jour très bientôt. On continue avec ce projet Black Swan. Black Swan, il s'agit du groupe de Robin McAuley, ancien MSG, et on démarre ça tout de suite avec cet extrait de leur dernier album. Ce sera The Fire and the Flame, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yeah. Yes, Black Swan, tout de suite, The Fire and the Flame. Et on continue tout de suite avec ce groupe Element, sorti et cet album Dreamer, sorti sur le label MNO Music. Ce sera le morceau Over and Over, tout de suite pour les amateurs de métal progressif. We'll be right back. Et maintenant, ce sera au tour de Full House Brew et de ce No Gods, No Chains. D'entendre le groupe Full House Brew, Full House Brew, tout de suite avec ce morceau No Gods, No Chain. On va continuer maintenant avec le groupe Tungsten, Tungsten et ce Bite My Tongue, sorti là aussi sur Running Phoenix Music, toujours du bon vieux métal. Silence, endless pain. Yes, vous venez d'entendre le groupe Tungsten. Tungsten tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce Bite My Tongue assez sautillant, on dira. Donc, on va continuer maintenant. Encore avec de la bonne musique dans Overdrive. Quand même quelques petites sorties, même s'il ne s'agit pas, on va dire, de la période de l'année dans laquelle on a le plus de nouveautés. Tout simplement, on a eu quand même quelque chose de très gros avec le dernier Megadeth, qu'on a quand même plutôt bien couvert avec l'intégralité des différents singles qui ont été diffusés tout simplement depuis quelques temps maintenant. L'album maintenant est numéro 1 aux États-Unis. C'est la première fois que Megadeth fait ce résultat-là. Donc ici, de quoi se réjouir pour le père Mustaine qui a toujours couru après le succès et derrière tout simplement Metallica. Voilà, Subway to Sally. Maintenant avec ce Clyde House Rosen qui devrait voir le jour, qui sort aujourd'hui même du côté de Napalm Records pour les amateurs de métal, bon, un petit peu là aussi électro avec pas mal d'influences différentes. Ce sera For a Kind qu'on écoute tout de suite. Une petite seconde, juste le temps que la platine démarre. Encore une fois, vous êtes habitué à Radio Duo, rien de bien nouveau sous le soleil. Néanmoins, ça va partir très très vite. Voilà. Kindheit war ein kalter Wind zu Haus. Und obwohl der Ofen glühte, klebte Raureif an der Wand. Nur die Arme meiner Mutter hätten mich wohl wärmen können, doch kam sie mich nie besuchen, bis ich einst ein Streichholz fand. Schneelawinen lauernd. Und verschütteten den Ausgang für unendlich lange Zeit. Nur mein Vater mit den Augen von der Farbe blauer Gletscher hätte mich noch retten können, doch der Weg war wohl zu weit. Ich bin ein Stern aus flüssigem Metall. Ich bin ein Stern, alles wird in meinen Armen Asche. Ein Stern, doch kein Feuer blendend weiß. Taute je in mir das Eis? sind nun meine Freunde, sollen mir im Dunkeln leuchten, sollen mich ein wenig wärmen, mich und meine kalte Wut. Dieses Zimmer meiner Kindheit brenne ich immer wieder nieder. Was mich frieren lassen hatte, ist nach Stunden nur noch Glut. Durch meine kalte Wut, ich bin ein Stern aus flüssigem Metall. Ich bin ein Stern, alles wird in meinen Yes, vous venez d'entendre Subway to Sally avec ce Fur Kind et maintenant ce sera au tour des Anglais de Tail Gunner. Tout de suite, ils ne font pas des reprises de Maiden, mais ils sont sincèrement influencés par le groupe. Ce sera War in Heaven tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Oh, vraiment excellent que ça, War in Heaven, par le groupe Tell Gunna, tout de suite des Anglais qui font de l'excellent heavy metal de tradition. On continue tout de suite avec le groupe Soilwork. J'ai décidé de ressortir cet album paru en 2015, The War Ride Majestic, peut-être pas le plus connu, le dernier album sur lequel on retrouve le batteur Dirk Verbeuren avant qu'il s'envole au sein de Megadeth. Et sur cet album, on retrouve d'excellents brûlots, parfois un peu speed, d'autres plus, on va dire, mid-tempo. Mais surtout, on retrouve ce morceau sur lequel on a de superbes parties à la fois de gratte de David Anderson, le regretté David Anderson, et bien entendu de batterie de la part de Dirk Verbeuren. Ce sera le morceau Pretty Sure, tout de suite, extrait de cet album Ride Majestic par Soilwork. Encore une fois, on attend une petite seconde que la platine démarre. On rappelle le www.radiodio.org, www.mixcloud pour retrouver les podcasts des émissions, et le facebook.com/overdrive-radiodio ainsi que Overdrive Radio Dio sur Instagram. I saw the end, the fall. Yes, excellent que ce Soulwork tout de suite avec ce Ride Majestic et Patrice of Sulfur. Voilà un morceau qui n'était peut-être pas des plus connus dans la carrière du groupe, mais que j'ai redécouvert et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réécouter ce soir. Voilà, Overdrive, il est temps peut-être maintenant d'ouvrir un peu plus les portes de la musique extrême avec encore une fois de bons disques qui sont sortis dans ce style-là, même si on va y aller peut-être un petit peu, on va dire en douceur malgré tout, pas commencer avec des choses trop violentes pour le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter la semaine dernière, on avait continué avec Hayward tout de suite pour les Pagan, et maintenant ça va être au tour de Bizarre Cult, quelque chose de post-black metal qui devrait plaire à des groupes, des fans de groupes comme Death Haven ou alors Enslaved dans leur côté un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus progressif. Et ce sera Biclet Ends tout de suite sur Overdrive par Bizarre Cult. Yeah! Voilà pour le groupe Bizarre Cult. Tout de suite sur Overdrive. On continue maintenant avec Mole qui nous a sorti cet album Dream Crush sur Nuclear Blast. Et ce sera le morceau Odd qu'on va envoyer tout de suite. Toujours Overdrive, Radio Duo. Sur le lieu. après Mold, ce sera OPEF avec un retour sur son album précédent et ce sera le paragraphe numéro 7 tout de suite. Voilà, tout doucement, on va se diriger vers la fin de l'émission dans Overdrive. Maintenant, avec ce groupe Perfecto, Perfecto sorti sur la Clonosphère, et ce morceau, The Knife Thrower. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio, la page Instagram et les podcasts hébergés sur Mixcloud. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci, ciao, bye bye. In his heart.